De toute façon, à quoi ça servirait qu'on se fasse verbaliser et qu'on se fasse retirer nos permis? En plus, on est vulnérable. On ne peut rien faire si les flics s'amènent avec des gaz lacrymogènes. On ne peut rien faire si les flics s'amènent avec des gaz lacrymogènes, oui? Et dites, et si on allait maintenir les péages ouverts? Comme ça, les automobilistes ne seraient plus obligés de payer les autoroutes. C'est QFD, oui? Ouais, ils devraient être plus reconnaissants envers les gilets jaunes, oui? Ouais, ils devraient être plus reconnaissants. Oh putain. Ils devraient être plus reconnaissants envers les gilets jaunes, oui? Moi, j'ai vécu dans la rue pendant un bon moment, alors je devrais être en train de chanter avec eux. Et en plus, je suis le mieux placé pour jouer le médiateur entre eux et les différentes structures. N'empêche, ce qui est sûr, c'est que c'est entraînant leur chanson. Si c'est vraiment lui, eh bien moi, je suis Antoine Daniel. Ah!